Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une commission devant fixer un prix idéal du kilo de sucre est à l'œuvre. Ce nouveau prix devrait être à la portée du portefeuille du consommateur, selon le porte-parole du ministère du Commerce. Il s'exprimait ce vendredi au cours de l'émission publique des communicateurs de différentes institutions. On fait le point dans On fait le point dès le début de ce journal. Quand 5 élèves se partagent un même banc pupitre alors que d'autres étudient à même le sol, cela se passe à l'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo en Provence et Cibitoke. Vous en saurez davantage. Un malade guéri de la variole du singe ne devrait pas souffrir encore de stigmatisation dans son voisinage à la sortie d'hôpital. La rédaction a recueilli des témoignages sur la colline Sameke, en commune Kayogoro de la province Makamba. Reportage à suivre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Une commission devant fixer un prix idéal du kilo de sucre a été récemment mise en place sur ordre du président de la République, qui trouve que le prix de 8000 francs décidé par la SOSUMO est exagéré. Annonce faite par le porte-parole du ministère du Commerce au cours de l'émission publique tenue par les porte-parole de différentes institutions. C'était ce vendredi dans la province de Bururi. Sans donner de délai, il affirme que le nouveau prix qui sera décidé sera à la portée du pouvoir d'achat des consommateurs. Un autre sujet retenu par la rédaction, c'est l'annonce du porte-parole du ministère de la Santé, à savoir que plus de 580 cas de variole du singe sur plus de 1000 diagnostiqués ont recouvré la santé. On fait le point avec Sheila Ilambona. Au cours de cette émission publique animée par les porte-parole des ministères dans la province Bururi, les journalistes sont revenus sur quelques problèmes qui hantent la population burundaise, à savoir l'épidémie de la variole du singe, le prix exorbitant du sucre, ainsi que la pénurie des produits pétroliers. Pour le cas de la maladie de la variole du singe, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que le Burundi est en train de fournir des efforts pour faire face à cette épidémie et que jusqu'à ce 10 octobre, plus de 500 personnes sur plus de 1000 cas ont recouvert la santé. Les actions ont été menées de manière intensive, de telle façon que, jusqu'à maintenant, nous avons inventorié 1093 qui ont attrapé cette épidémie. Ces cas ont été diagnostiqués lors des descentes effectuées dans des communautés et ils sont au nombre de 6832. Ceux qui ont présenté des signes étaient au nombre de 2677. Jusqu'à ce 10 octobre, nous vous annonçons que nous les avons pris en charge. 589 ont regagné leur bercail. Nous leur donnons des informations à propos de comment ils doivent se comporter. Nous sommes satisfaits du travail que nous faisons car aucun Burundais n'a été emporté par cette épidémie. L'autre problème évoqué au cours de cette émission est celui du prix exorbitant du sucre qui a été fixé par l'Assosumo. Le porte-parole du ministère du Commerce a indiqué que sur ordre du président de la République, une commission est en train d'analyser le prix idéal à fixer pour éviter les grognes, que ce soit du côté du consommateur et du commerçant. La commission a été mise sur pied. Elle est en train de collecter toutes les données. Elle va donner un rapport aux autorités pour qu'ils puissent prendre une décision à propos du prix en se basant sur ces données. Ce prix prendra en compte les doléances de la population et tous les avantages accordés à la société par le gouvernement. Le travail de collecte demande beaucoup de précautions. N'affirmons pas que nous sommes en train de traîner les pieds. Nous rassurons les Burundais que prochainement un prix qui va tenir compte des préoccupations de la population va être fixé. Pour ce qui est de la pénurie des produits pétroliers, le ministère de l'Énergie n'a pas donné de rendez-vous par rapport à quand ce problème va se clôturer. Son porte-parole parle de 20 camions attendus ramenant de l'essence, mais reste vague pour ce qui est du mazout. Sheila Irambona. Promouvoir les bonnes relations entre les employés et les employeurs permet de préserver la santé mentale en milieu du travail. Explication du docteur Godley Venimouona, spécialiste dans le traitement des maladies mentales. C'était ce jeudi 10 octobre, journée porte ouverte au centre neuropsychiatrique de Kamenge, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Selon cette experte, le mauvais environnement dans le milieu de travail impacte la santé mentale des travailleurs. Suivez-la. Des activités à prioriser pour promouvoir la santé mentale au lieu du travail ou bien dans la communauté, c'est de promouvoir de bonnes relations entre les individus. que ce soit des personnels entre eux, ou bien que ce soit les employés et les employeurs. Qu'il y ait respect mutuel et qu'il y ait des activités pour lutter contre le stress et qu'il y ait une recherche de solutions pacifiques pour éviter des facteurs de stress pouvant entraîner des décompensations sur le plan psychologique ou psychiatrique. Il est très important que chacun prenne l'initiative de garder de bonnes relations partout où il est pour éviter de créer un stress qui peut entraîner un problème de santé mentale chez l'autre. Un malade guéri de la variole du singe ne présente pas de nouveaux boutons sur son corps. Propos d'Athanase Ngondwanayo, chef de district sanitaire Makamba, qui appelle la population à ne pas avoir peur d'une personne sortie d'hôpital. C'est un moment où les voisins de Vianney Nindemesha, natif de la colline Nessamheke en commune Kayogoro, témoignent avoir été inquiétés par le retour de cette personne qui s'est rétablie de la variole du singe, Omer Ndouayo. Avec des plaies mal cicatrisées, la peau de Vianney Nindemesha n'avait pas l'apparence à laquelle ses voisins étaient habitués, même s'il était guéri, ce qui les a inquiétés, de même que les personnes qui avaient été en contact avec ce cas confirmé de la variole du singe. Guéri, j'ai rendu grâce à mon Seigneur. Mais les voisins avaient peur de moi. Personne n'acceptait un contact physique avec moi. Ça me faisait très peur. Les médecins m'ont conseillé de respecter les mesures d'hygiène. Je le fais souvent et je le conseille à mes amis. Certains de ses voisins témoignent avoir eu plus de peur que de mal. Il avait des plaies dans son visage avec une apparence à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous avions peur d'être contaminés par lui. Abel Niranyibagira, l'agent du chef de quartier Mobogora, du chef-lieu de la commune Kayogoro, indique que ce cas a éveillé l'attention de l'administration à la base, qui s'est vite mise à l'assainissement du domicile de Vianney. L'administration l'a ordonné à faire l'hygiène généralisée, commençant par son domicile. C'était dans le cadre de protéger son entourage. Si un malade ne présente plus des boutons sur son corps, c'est un signe qu'il est guéri. Affirmation d'Athanase Ngondwanayo, chef du district sanitaire de Makamba. Si le malade ne présente pas de nouveaux boutons sur le corps, il n'a plus de température, pas même de toux, c'est-à-dire qu'il est guéri. Il appelle à la population à respecter les mesures barrières pour bien se protéger contre la variole du singe. Omer Ndouayo. Santé toujours, les personnes vivant avec le VIH-Sida en province de Kirundo demandent au gouvernement burundais de chercher des médicaments de prise unique mensuels ou trimestriels, expliquant que les prises quotidiennes les fatiguent, d'où certains préfèrent les abandonner au risque de mourir du sida ou de continuer à contaminer les autres. Ce jeudi a eu lieu une réunion de sensibilisation qui a vu la participation des administratifs, des leaders religieux et des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida pour stopper les nouveaux cas d'infection au VIH, à la syphilis et à l'hépatite B. Abraham Safari. Comme l'a précisé Dr Jean-Georges Rukubo, en cadre du Centre national de lutte contre le sida, la province de Kirundo vient parmi les trois premières ayant beaucoup de personnes séropositives au VIH-Sida après Bujumbura Mairie et Gitega. Rukubo Jean-Georges demande aux responsables de santé, les administratifs, les leaders religieux et les personnes vivant avec le VIH-Sida réunis au sein des associations de lutte contre le sida de conjuguer les efforts afin de lutter contre la propagation de contamination des maladies sexuellement transmissibles, entre autres le sida, le syphilis et l'hépatite B. Ce cadre signale que le gouvernement burundais s'est fixé l'objectif qu'en 2030, il n'y aurait plus de contamination ni d'enfants qui naissent avec le VIH-Sida. Les personnes vivant avec le VIH-Sida qui travaillent dans la communauté ont demandé au gouvernement burundais, via le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, de leur octroyer des médicaments de prise unique mensuelle ou trimestrielle, car car, ont-elles dit, certains bénéficiaires disent qu'ils sont fatigués par les médicaments de tous les jours, surtout que ces derniers exigent un régime ou un repas suffisant, alors que certains n'ont pas à manger en quantité suffisante. Cela, selon ces personnes vivant avec le VIH-Sida, provoque des décès ou des contaminations incessantes. Signalons que la province de Kirundo, du moins selon Chimiman Khafayel du CNLS, connaît un faible taux de dépistage de 3% au moment où la mairie de Bujumbura atteint déjà 14%. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo en province de Cibitoke accuse un manque criant de salles de classe et bancs pupitres, si bien que dans certaines classes, des écoliers suivent les cours à même le sol. Le directeur de cette école demande avec insistance au gouvernement de lui doter du matériel suffisant pour améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage. Francine Ndihokugayo. Elles sont enseignantes à l'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo. C'est aux environs de 2 km du chef-lieu de la province Cibitoke. Plus de 100 écoliers peuvent se retrouver dans une même salle de cours. Les uns entassés par terre, les autres assis jusqu'à 5 sur un même banc, ce qui perturbe généralement les activités, comme l'indiquent ces enseignantes. Des fois, un enseignant peut être responsable d'une classe de 90 élèves. C'est difficile de gérer une telle classe. Ils ne parviennent pas à trouver où s'asseoir. Il y a peu de bancs pupitres et ces salles de classe sont très petites. Ils s'asseyent à 5 sur un banc pupitre, d'autres s'asseyent par terre. Mais même ceux qui sont assis sur les bancs pupitres ne trouvent pas où s'appuyer ni où s'asseoir. Le directeur de l'Ecofo Karurama 2 en est témoin et reconnaît que le travail est dur dans ces conditions. Etienne Maniragaba appelle à l'aide. Au début, on avait plus de 2500 enfants, avec seulement 15 salles de classe. Imaginez-vous, le cycle 4 nous prend déjà 5 salles de cours. Les autres occupent les 10 qui restent. Et l'enseignant se met devant sans pouvoir bouger, parce que la classe est pleine. Si l'effectif dépasse 70, 80 ou plus de 100, il ne peut pas gérer la salle étant seul. Il rentre à la maison épuisé. La situation est similaire à certaines autres écoles des communes Rugombo, Mugina et Buganda de cette province Cibitoke. Les effectifs élevés sont des trois premières classes. Environ 30 tonnes de semences de maïs sont déjà distribuées aux cultivateurs de la province de Bubanza, alors que la direction provinciale de l'agriculture avait fait une commande de 150 tonnes. Les cultivateurs craignent de marquer un grand retard au semis. Sylvestre Ndaïchimiye, directeur provincial de l'agriculture, déclare que les premiers bénéficiaires seront les cultivateurs des collines avoisinant la réserve de la Kibira, où les précipitations sont déjà abondantes. Les détails avec Specialitas Kavanyana. Les habitants de la colline de Mulengeza, en commune Manda, ont failli se rentrer dedans à cause des semences du maïs subventionnées, n'eût été l'intervention des administratifs à la base, selon les témoins sur place. C'était ce mardi. Le chef de colline Mulengeza fait savoir que l'offre est largement inférieure à la demande et 800 kilos seulement sont déjà donnés sur une colline qui compte 10 000 habitants. Les lamentations des habitants de cette colline de Mulengeza se retrouvent aussi dans toutes les collines de la province. Les cultivateurs craignent un grand retard sur le semis pour la saison culturelle A. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, On reconnaît que la quantité de semences déjà disponibles est inférieure à la demande. Sylvestre Ndaïchimie, directeur à la DPAE Rwanda, explique qu'ils ont fait une demande de 154 tonnes de maïs subventionné, mais seulement 29 tonnes 800 kilos sont déjà disponibles. Il tranquillise cependant et précise que la quantité qui reste est attendue. Et les premiers bénéficiaires seront les cultivateurs qui ont fait la demande, surtout ceux des collines surplombant la forêt naturelle de la Kivira où les précipitations sont déjà abondantes. Un kilo de maïs subventionné appelé Panal 53 coûte 4200 francs selon les responsables à la DPA et Rubanza. Spécialitas Kavanyana, Rubanza, Radio Isanganiro. La stabilisation permanente et la sensibilisation de la population sur les bienfaits des compostières dans les ménages ont été bénéfiques aux cultivateurs en augmentant le fumier organique. Affirmation de certains cultivateurs des communes Ngozi, Nyamurenza et Mwomba de la province Ngozi et ceux de la commune Gatara dans la province de Kayanza qui affirment avoir eu de bons rendements agricoles. C'est la même satisfaction à la direction provinciale de l'agriculture et élevage Ngozi et dans l'administration de la province Kayanza. Jean-Marie Mayonga. Ce sont les cultivateurs des provinces d'Ngozi et Kayanza qui indiquent que la stabilisation permanente a été d'une importance capitale dans les communautés et surtout dans l'agriculture car a fait que la production agricole a beaucoup augmenté. Il y a un gain total car il y a quelques années, on laissait les vaches circuler partout et éparpiller les bouses qui devraient être utilisées dans les champs. Mais aujourd'hui, ces animaux sont gardés à la maison. Et ces bouses qui se trouvent partout restent dans une même place. Nous trouvons du fumier en grande quantité, ce qui nous permet d'avoir une bonne production agricole. Le gain de la stabulation permanente est que tu trouves facilement du compost à partir des bouses de vaches ou en provenance des autres animaux que tu vas mélanger avec l'engrais chimique. Après la collecte de ces fumiers et les mettant ensemble, tu as du fumier en quantité suffisante. Quant à l'usage du compost fabriqué eux-mêmes, ils disent que le fumier organique mélangé avec les engrais chimiques leur donnent un bon rendement dans l'agriculture. Nous avons eu des sensibilisations pour leur usage. L'important est que nous trouvons du fumier provenant de ces compostières parce qu'on met ensemble les déchets de différents produits et les placer dans cette compostière et nous aide dans l'agriculture. Émile Kubwimana, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Ngozi, annonce que la stabilisation permanente a été bénéfique pour les communautés vivant de l'agriculture. Depuis que le gouvernement a mis en place la loi sur la stabilisation permanente, la province de Ngozi a pu commencer à faire la sensibilisation sur cette politique. Donc, la majorité des éleveurs dans notre province, les troupeaux se trouvent en stabilisation permanente. Donc, cela nous a amené beaucoup d'avantages, surtout en rapport avec l'augmentation de la fumée organique. Et cette fumée organique nous aide à augmenter la production. Ces agriculteurs de ces deux provinces affirment que le mélange du fumier organique avec les engrais chimiques, une fois utilisés dans leurs champs, ils arrivent à avoir une bonne production agricole qu'ils n'ont pas pu avoir quand ils ont utilisé seulement les engrais chimiques. Et pour boucler ce journal en international, au Rwanda, l'épidémie du virus de Marbourg est maîtrisée. Déclaration ce 10 octobre 2024 du directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya. Le Rwanda a enregistré 13 morts et 58 cas confirmés selon les derniers chiffres officiels concernant ce virus proche d'Ebola qui provoque une fièvre hémorragique et qui a poussé les États-Unis à déconseiller à leurs ressortissants de se rendre au Rwanda. Dans sa capitale, pas de restrictions de déplacement liées à l'épidémie, mais quelques mesures de précaution dans certains lieux publics, comme dans la gare routière d'Unyabugogo. Et en visite à Nairobi depuis ce jeudi 10 octobre, le Premier ministre haïtien Garry Conille doit s'entretenir avec le président kenyan William Ruto ce vendredi. À l'ordre du jour des discussions, la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le cadre de laquelle près de 400 policiers kenyans sont déployés en Haïti depuis le mois de juin pour aider à la lutte contre les gangs. Alors que son commandant Godfrey Otunga revendique la sécurisation du port et la réouverture de l'aéroport de Port-au-Prince, la mission multinationale d'appui à la sécurité peine à concrétiser les victoires tandis que dans les rues, les Haïtiens ne voient que peu de progrès. Enfin, au Cameroun, le gouvernement interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya. L'absence prolongée du président camerounais de 91 ans qui n'a fait aucune apparition publique depuis début de septembre 2024 a suscité des inquiétudes, des questions puis des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a donc indiqué Paul Atanganji, le ministre de l'administration du territoire, dans un communiqué diffusé jeudi 10 octobre. Une décision qui n'a pas tardé à faire réagir, autant dans les milieux de la presse que politique. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.